joyeuse, vacillante dans nos fourneaux. L'essence de l'âme impatiente, forgée au son des marteaux. Nombreux de nos enfants qui s'en vont au combat, comptent sur nos talents pour ne pas passer au trépas. Oh, oh, oh, le chant des forgerons. Auprès des flammes, leurs larmes et leurs prières, en finissant.